croisée d'une chanson d'amour, le vieux disque et le vieux phonographe. C'était un vieux disque et un vieux phonographe qui vivaient ensemble depuis très longtemps. Ils étaient tellement usés tous les deux qu'ils radotaient un peu sur la route. Et on entendait à peu près ceci. Dans un vieux château de Provence, une amante disait aux fleurs, oh mon amant, j'ai confiance dans la loyauté de ton cœur. Il a répondu, tu peux ma chère, croire à mon cœur mystérieux, mon amour est un veau, est un veau, est involontaire. Je suis foutue, je suis foutue, je suis foutue, c'est de tes yeux. J'aime tes yeux remplis de larmes, sous les pleurs, comme il est trop beau. Il a donné combien de charmes, oh bien avant, bien, yo, yo, yo, Yolande. Viens là-bas, mon ange, viens car ton mari n'est pas là. Et dans ce soir étrange, tu as des poux, tu as des poux, tu as des pouvoirs enchantés. Tu connaîtras la solitude dans les boyaux, Yolande en tremblant. Car j'ai la guerre, car j'ai la guerre, car j'ai la guerre à t'habitude de dormir sous un pot, de dormir sous un pot, de dormir sous un pommier blanc. Viens, viens, tu n'es d'autre terre brisée qu'une purée, charmante amie. Viens mélanger dans un baiser, L'amour et la peau, l'amour et la peau, l'amour et la peau, l'amour et la poésie.